émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Vald. C'est Val, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h dans Planète Rap pour cette dernière de la semaine avec le projet NQNT Vald. Bien le bonsoir, Rochette. Bien le bonsoir, comment va? Ça va très bien, je suis venu avec des copains. Bah, je vois une sacrée équipe autour de la table. Ah, une sacrée bande de lurons. Et une sacrée bande de lurons, une sacrée bande de joueurs aussi, puisque j'ai cru voir pour certains d'entre eux qu'ils étaient prêts à miser de grosses sommes d'argent sur. Ouais, ça, c'est les mecs du Tchekar. Des mecs sérieux, hein, des mecs qui sont venus donc avec des mallettes ce soir. Entre 20h et 21h. On les salue tout de suite, fais le petit tour de table, Val, allez, par qui on commence? Il y en a, ils sont venus avec des chèques. Ah, attends, il faut bien appuyer sur le micro qu'on t'entende. Ouais, il y en a, ils sont venus avec des chèques. Ah, en bois ou... Je crois qu'il y en a, il a un chrome. N'importe quoi. Ou des chèques de banque. Voilà. Vas-y, donc ce soir, à ma droite, il y a Fianso Man. Dieu. À gauche, il y a Jarod, le caméléon zère. Salut. Et à ma toute droite, il y a mon gavage de fou longtemps, Giorgio. On est tous ensemble. Ça va bien, messieurs? Yeah. Ouais, allô, ma gueule, on est là. En pleine forme. Ouais, ouais, planète rap de Val. Bah voilà, et toi, c'est un voisin, hein, puisque t'es de Blancoc, de Blanc-Ménil, lui donne les sous-bois. Exactement. En voisinage. Voilà, ça veut dire quand on finit au studio, et c'est moi qui le raccompagne. Ah, parce que tu oses pas non plus, parce que tu oses pas conduire non plus. Voilà, exactement. Tu oses pas non plus quand il conduit Val. Qu'est-ce que vous avez avec les bagnoles de Val? Je sais pas, il y a un truc, hein. Pourquoi tu conduis? Ah, ouais, j'ai le permis. Ah, je savais pas. Tant pour toi. On a l'air bien. Eh bah, lui non plus, a priori, il sait pas qui l'a le permis. Bon, tout le monde va bien? Ouais, nickel. Nickel, ma gueule. Au top. Voilà. Ah ouais. Ok, Mercus, merci d'appuyer sur tous les boutons. C'est toi qui casse le truc depuis tout à l'heure. Ne touche plus à rien, s'il te plaît. Ne touche plus à rien, Momo non plus. Ne touchez plus à rien. Voilà. C'est parti donc pour ce Planète Rap consacré à Val. Hier, si vous n'étiez pas là pour cette soirée, on a prolongé Noël avec Teufa, avec Tunisiano. Ils sont passés dans ton Planète Rap et ça donnait ça. Écoutez. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Et son projet NQNT. Je me disais, comme c'est la semaine de Noël, on fait un cadeau aux gens et on parle pas trop. Et au lieu de se présenter avec des longues phrases, on rappe Merry Christmas. J'ai dit bonsoir, bonsoir Skyrock, j'ai dit bonsoir, bonsoir Skyrock, j'ai dit bonsoir, bonsoir. J'ai mis le dos, caché tellement de soul derrière ETC. Le CB ment à personne à part à se peiner. T'as l'air apeuré de la lever ta main pour Sullivan. Dans mes cauchemars, je fais des rêves où j'ai de la bonne foi sous les veines. Je demande de rester poli si j'horrifie vos iris aussi vite. Omi X, je te sollicite, glorifie sur mes faux vinyles. Si je rigole quand tout va mal, c'est mon lube. Si je dis que c'est ma faute tout ça, c'est mon lube. Alors tu fais chier ma chérie, c'est mon lube. Pas question de zup toute la nuit, sans mon lube. Vers poil, je suis laminé, laminé et presque calibré. Je suis fatigué de m'agiter entre panique et fiscalité. Marqué par toutes ces heures enfoncées dans mon canapé. Harassé, je suis fascinant, façonné, façon arraché. Ça me chagrine, mais je vous emmerde tous à parler fou. Je suis rebelle, mais je m'en bats les couilles. Fais ta vie, mais prends pas mes sous. NQNT pour ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Tout à fait. La fête est finie, mes rêves sinistres me définissent. NQNT, ça des fenêtres, même les décès cliniques. Pas de BR sur mes blinis, flûte, le teint livide, faut que je m'affilie. Au peu qui porte pas de bikini, je défouraille le temps avec des choses qui tuent les mœurs. Crever, c'est la plus dure épreuve. Tu sais que bien trop bizarre. Autour de moi, les gens sont blessés, comme baisés par ton rilano. Je suis une mère de King Kong dans du papier journal. Journal. J'y vous le fais ding dong, ding dong. T'ouvres la porte et tout pâle, tout pâle. Tu vois le truc, tu dis non. Putain, faut que j'étouffe ça, touffe ça. J'y fous le pied et puis t'as les souliers tout sales. On renvoie Wild, ensuite Goldman Sachs, ensuite Goldman Sachs. Et puis loin derrière Obama. Alors je suis un rappeur blanc et blond. Ouais. Et c'est alors, est-ce que c'est un problème? Non, c'est une caractéristique. Ouais, en réalité, c'est une propriété plus qu'un problème. Mais le rap, qui t'a mis dedans, toi? Le rap qui m'a mis dedans, c'est l'ennui, l'oisiveté. Et l'oisiveté ne mène qu'à des péchés. Planète Rap, le freestyle. Tire-en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vite cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexer mon râle, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Non, je veux pas vous vexer. Vexer mon râle, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Christmas. Joyeux Noël, oui, joyeux Noël. C'est la guerre, c'est la même merde que la guerre. J'ai vu Cerber en Iker dire que c'est la même verre, toi pas dev. Je répète, chaque taf c'est la der, chaque taf c'est la der. Mais mes mères fait la gueule parce qu'on a pas des bons sénateurs. Moi j'ai un môme, j'perds à queue. Proto, j'ai peur, j'ai pas de congélateur. J'prends jamais de congé ma gueule. Venez pas me ronger la tête sans même longer la feuille des yeux. Oh la la la la, sors le bourbon, j'arrive. Dans les bourgeons, bref, traque les fourgons de l'abri. Savez-vous qu'on baisse tout. Partout ma clique passe là, fou de cri de joie, partout ta cheese. Pas partout ma clique passe là, fou de cri de joie, partout ta cheese. Pas partout ta cheese. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons, rêve. J'braque les fourgons de la brinque. Savez-vous qu'on baisse tout. Partout ma clique passe là, fou de cri de joie, partout ta cheese. Pas partout ma clique passe là, fou de cri de joie, partout ta cheese. Pas partout ta cheese. Voilà, c'était hier soir dans l'émission entre 20 et 21 et là c'est reparti pour un nouveau Planète Rap. Alors je disais Giorgio, Sofiane, Jarod, un petit mot sur chacun. Val, pourquoi ils sont là dans ton Planète Rap ce soir? Parce que ce sont les personnages que je croise le plus dans ce rap jeu. Et ce sont les personnes que j'affectionne tout particulièrement. Tout particulièrement. Merci. Tout l'un plus que l'autre, non? Ouais, c'est moi plus. On est entre nous, calme. Je le vois jamais moi. Mais il m'aime bien, de loin. Oh, c'est vrai, non, c'est... Bon, est-ce que t'as suivi, parce que tout à l'heure j'en parlais en début d'émission, mais entre ce qui s'est passé sur les différents réseaux sociaux avec Jarod et avec Sofiane, avec Sadek aussi, alors on en est où concrètement les gars sur cette histoire? Parce que... Moi je sais pas ceux qui sont au point de cette affaire. Vas-y, je vais te faire un petit topo. Et pour les gens qui n'ont pas suivi non plus sur les réseaux sociaux, donc c'est parti de quoi? Ben alors, ce qui s'est passé tout simplement, il n'y avait pas de quoi en faire un fromage à la base, c'est juste qu'on a invité, moi j'étais à Urban Heat, Urban Heat m'a proposé d'inviter tous les rappeurs. Radio, hein, Urban Heat. Hein. Voilà, Urban. En région parisienne. Voilà, Urban Heat, une radio de région parisienne. J'étais chez eux, ils m'ont invité, ils m'ont dit voilà, tu voudrais pas, vu que t'es un freestyler, on connaît 2-3 freestylers comme toi, tu veux pas inviter tout le monde, vu que voilà, tu t'entends bien avec tout le monde, invite tout le monde pour un gros freestyle. Moi j'ai dit ok, petit défi, vas-y venez, on va voir qui est le meilleur en freestyle. Donc j'ai lancé la vidéo, enfin Urban Heat a lancé la vidéo. Ensuite j'ai commencé à tweeter les gens sur les réseaux sociaux, donc Sofiane, tous les gens que je connaissais, même ceux que je connaissais pas, ouais. Même les gros, allez on y va. De tout le monde à tout le monde, vraiment, même des Rov, des Lino, on les a tous tweetés, vraiment pour les chauffer, pour leur dire venez, on va se faire un petit freestyle sport et on va voir qui est le meilleur. Et maintenant on a invité Sadek. Sadek a répondu de manière un peu dure. Moi j'ai dit bon ok, mais c'est le jeu. Mais il voulait pas venir, c'est le jeu. Donc j'ai dit ok, cool, c'est pas grave, on se retrouvera autour d'une table plus tard. Juste derrière ça, il a voulu en fait accepter le défi, mais en posant 5000 balles. Il a dit voilà, je pose 5000 balles, celui qui veut s'asseoir autour de ma table, il pose 5000 balles. 5000 balles en euros. Voilà, 5000 euros. Voilà, comme une partie de poker en fait. Et derrière, il y a notre ami Sofiane qui a relancé de 10 000, qui a dit maintenant pour s'asseoir autour de la table, toi et moi, 10 000 balles, si t'as des couilles, si t'as 10 balles. 10 voilà. Balles ou je rends balles. Voilà, donc ça a été ça. Et juste derrière, bah voilà, on a eu tout un. Donc moi j'ai suivi, Siko MC a suivi. On a 2-3 têtes apparemment qui sont à peu près chauds pour poser de l'argent. Et derrière, voilà, Siko, bah voilà. Ami, moi j'ai vu une photo de Siko MC aussi. Hein. Ouais, voilà. Le poteau sec. Siko, il était prêt à mettre. Et sauf que le. Voilà, ce qui est. Il y a des gens qui ont mal pris le truc, tu vois, qui ont dit ouais, mais pourquoi ça parle en argent, tout ça. Moi vraiment, j'aimerais répondre à ça, c'est que nous, on a voulu se faire un délire entre voilà, nous. Ouais. Et, mais à la base, le freestyle, pour tout le monde ouvert et gratuit, il va toujours se faire quoi qu'il arrive. D'accord, donc tu vois, ça n'a rien à voir en fait. C'est deux choses différentes. Sauf qu'après, voilà, bah, à la fin, on n'a plus de nouvelles de Sadek. Donc voilà. Bah, l'appel est lancé, peut-être qu'il écoute ce soir. Non, il a dit qu'il se retirait. Ah, il se retirait. Très clairement. Donc parce que apparemment peut-être qu'il voulait faire ça ici, mais c'était pas faisable. Ah oui, j'ai vu des tweets où ils m'ont. Voilà, il l'a pas fait comme voilà, on n'a pas pu le faire. Donc à la fin, bah voilà, ça déxertirait alors que c'est lui l'instigateur du truc. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'on se le fera un jour entre nous, j'en sais rien. Et bah ce soir, on va déjà avoir un petit aperçu puisque vous avez tous rappé. Ma foi. Ma foi. Ouais mais, petit mais, échauffement, on va mais, s'échauffer. Mais pour le bonheur de tout le monde, sans argent, juste pour le kiff comme ça. Ouais. Voilà, pour le sport. Pour le sport. Pour la passion, le hip-hop. Voilà. Tu sais comment on aime ça. T'étais pas dans le coup, toi tu voulais pas balancer 10 balles. Ah non, parce que j'ai pas encore vendu mon pull là que j'ai mis en vente. Du coup, j'ai pas l'oseille, tu vois. C'est-à-dire, je vais avoir des crédits, tout, c'est relou. Plus sur Sofiane, je le vois tout le temps. Ça va, il y a eu une tournée là, qui s'est bien passée. Ouais, ouais, on a fait une quinzaine de dates, c'était frais dans toute la France, mais. Pas assez de bif pour pouvoir mettre 10 000 euros pour un freestyle. Pas encore. Même si je les aurais, je les mettrais pas là-dedans, gros. Ouais. Bon, et ben en tout cas, ce soir, c'est parce que t'as peur de les perdre. Nous, c'était une bonne occasion de se refaire pour des gens. Ouais, c'est ça. 40 000 balles autour de la table. Wow. Les poteaux. Oh, c'est mieux que. On sort du poker. C'est mieux que le poker. C'est un coup de bluff. Sur un 16. Et c'est ce qu'on sait faire. On fait que ça. Toute la journée, on le fait gratuit alors. Donc ce soir, ce sera gratuit. Et ce sera sport, en tout cas, ce soir, en live. Avec Jarod, avec Sofiane, avec Giorgio, avec Val. C'est son planète rap. On débute avec un morceau Vite Cochon, par exemple. Vas-y, mets-nous Vite Cochon. Apparemment, c'est un morceau qui plaît bien, ça. Moi, j'aime bien, moi. J'ai vu dans les retours un peu la VLD sur Skyrock, le hashtag, là. Ça marche plutôt pas mal, Vite Cochon. Big up à BBP. Big up à BBP. Ce producteur de l'ombre. NQNT, c'est le projet de Vald. Et digitalement dans les bacs. Si ta culture, c'est le port. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. L'autre a enfilé dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. C'est la fête. Mon dernier neurone s'est barré. J'ai fini le stock. Depuis que nous nous sommes séparés, je baise la nounou, c'est ma mêle. M'applaudit, c'est gravel. Rap sa vie, bof. Alors que je la monte sur l'étagère. Si j'amène mon pote Eristoff et que t'as une chatte, dis pas merci, ma belle. Et attends l'épilogue, je bouffe comme un porc. Four comme un. Tout ce qui m'importe, c'est pouvoir fourrer mes deux boules dans ta gorge fine. Ouais, les filles de joie si peu malines m'attendrissent. Je m'endors plus tranquille le soir où les vipères m'envahissent. Où je deviens parano, donc je fais des tours lentalgiques. Où je t'envoie à la morgue. Apparemment, si j'ai peu d'amis, c'est rien. Ça en fait moins à partager sur mon bar qui s'éteint. Dans mon navire, j'ai plein de loisirs à foutre à l'eau. Mais dès lors, je coule alors. Si ta culture, c'est le porc. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose à enfiler dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Cette génération m'a rendu malsain. Mat que j'ai 4-1. Dans l'esprit quand j'en tape 5, je suis là le bingue. Je vais méditer quand t'auras besoin. J'écoute tes problèmes dont j'ai pas besoin. C'est vérifié. On parle de rien sauf de drogue, de corps qu'on mutile, de bord dans les loges. Bon, donc de musique. Et c'est con, je te l'accorde. J'avoue tristement, c'est pas l'homme qui prend la tise. Dans la tise, le prend. On pactise le vendredi soir avec les porcs. Jusqu'au vendredi d'après, tant que la zeb est bonne. Mes super junkies narguent le démon. Vite comme une bulle d'air meurtrie par le béton. Et je vais pas me lever tôt, mais ça tu le savais déjà. Toujours à chlasser des chats, tu grondé par le veto. Ok, la corde au cou, les vivants pleurent beaucoup. Mais est-ce que les morts roucoulent? Si ta culture c'est le porc. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose à enfiler dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexé moral, sexe, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Non, je vais pas vous vexer. Vexé moral, sexe, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Oui. VLD, cousin. Mon frère vous aurait dit c'est pour ça que vous avez lâché la religion, hein. Si ta culture c'est le porc. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose à enfiler dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. Vite cochon à l'instant, Vald sur Skyrock. NQNT, c'est le projet de Vald à découvrir cette semaine encore. Exact. Ce soir pour la dernière aussi, ce soir bien accompagné. Il y a Giorgio, Sofiane, Fianso Man est là. Dieu! Jarod est là aussi avec nous. Yes. Tiens, d'ailleurs, 2015, petit point sur 2015. Sur toi, Vald, on sait, il y a un projet, on l'a annoncé hier, qui arrive. Tout à fait. Avant l'été, a priori. Exactement. NQNT 2. Sûrement, il s'appelle sûrement. 2, ouais. Pour vous, les gars, dans l'ordre, tiens, si on commence par Giorgio, 2015, l'année, elle va ressembler à quoi? On va continuer la tournée et premier album, hein. Si tout se passe bien, ouais, premier album. T'es dessus là, t'as ouais, bien avancé. Ouais, je suis dessus à fond, ouais, j'ai au moins 9 titres déjà. 9 titres, pas mal. Ouais, c'est bien, ouais. Bien parti, donc pour 2015, t'as une idée à peu près automne, été, ouais, hiver. Ouais, je vais pas trop m'avancer là-dessus, ça va me porter l'œil. D'accord, donc pour 2015, faudra guetter Giorgio de retour. Sofiane, Ouais, premier album, ça y est, fini les blacklists, fini les mixtapes, on se lance, hein, c'est parti, tu vois. Donc ouais, premier album pour 2015, Inch'Allah, Sofiane, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui suivent encore. Et faut rappeler les réseaux toujours, Sofiane INM sur Twitter, les potos, venez follow. Ils balancent des messages là déjà, donc continuez aussi. Ouais, ouais, ouais, avec envoyez la purée, envoyez la purée, les potos, NQNT dispo, les frérots. Bang, bang. Donc yes. Pour 2015, Sofiane. Ouais, Inch'Allah, premier album, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Bon, Jarod, là c'est arrivé, il y a eu un EP aussi qui est arrivé il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Ouais, bah alors on a sorti le premier album, c'était le 24 novembre, tu vois, on l'a sorti en indé pur. Bah d'ailleurs, on va venir te voir dans la nocturne bientôt. 23 janvier. Voilà. Et donc voilà, ouais, on a fait une super entrée, enfin, à notre échelle, tu vois, en tant qu'indé, sans gros médias derrière nous, on a fait une belle d'entrée. Donc on est content, les médias commencent à jouer le jeu maintenant, donc ça déchire. Donc on va sûrement qu'il y ait, voilà, des dates de concert, une tournée, on va encore balancer des clips de l'album pour défendre le projet jusqu'au bout. Et juste derrière, on va enquiller un deuxième album. Donc ça, c'est pour 2015. Normalement, ouais. Vald, est-ce que tu vas participer sur l'un des projets annoncés là, que ce soit Jarod, Sofiane, Giorgio? Nous ne sommes pas concertés à ce sujet, mais. Ouais. Est-ce qu'ils viendront sur ton projet peut-être? Tout est possible. Tout est possible. Je ne sais pas. Rien dévoilé pour l'instant. Tout à fait. Bon, la seule chose qu'on pourra vous dévoiler, c'est un gros live d'ici quelques minutes que vous allez faire ensemble. Yeah. Super. On vous attend aussi au freestyle de Planète Rap, inscription 41759. On met un morceau du NQNT? Ah, vas-y, viens, on se met un autre morceau d'NQNT. Lequel? J'aime bien l'intro, c'est pour, mais je crois qu'on l'a jamais mis. Ah, c'est vrai. On n'a pas mis encore l'intro du projet de Vald. Régalons-nous. Eh bien, régalons-nous tout de suite. C'est pour celui qu'on blase, et ton fils ton bave, c'est pour mon cendrier. Pour mes pilons cramés, tous les flics vont me traquer. Après cette paix, j'achète une zombée. Sur ma terrasse, je boirai du citron glacé. C'est pour les pigeons qui ne font que chercher de la bouffe. Sans demander pourquoi ils se font jarter partout. C'est pour ces arlous amers. Ouais que l'État nous ramène. Mais comme c'est pas le tout de parler, grâce à Teufa je vous la mets. C'est grâce à Mercus aussi, Bachir et Sirius. Le virus le plus sérieux, c'est que j'inflige trop de blessures au mic. C'est pour mes nouvelles copines qui me trouvent incroyable. Car je suis pas la copie d'une copie d'un rappeur moyen. Quoi y'a? Un problème, tu vas te faire doigter par le doyen pendant que des voyeurs viendront mater. Parce que c'est Vald, hein. C'est pour nos enfants s'arracher, pour nos corps décharnés, c'est pour l'OCB à charger. J'ai même plus besoin de me présenter. Dès à présent que t'es sur mes sentiers, tu pressens que tu vas te faire enfler chaque verre. Mets la pression, hors de question de faire du son pour les châtelettes de Châtelet. Mais je tire mon chapeau à ceux qui sortent le chapelet chaque fois que leur échappe la chope. Péché. Je pourrais pas faire plus choquant, c'est pour mon fusil. Sous ma boîte à fusibles que j'utiliserai que sur les concepteurs de Uzi. J'fulmine, c'est pour Inch, Nasdal et Altarpa, frère c'est Sully. Van la voix de la survie, putride. Comme la chatte responsable de cycle, comme la chatte du directeur de l'EMC. J'te dis, c'est pour tous ceux qui n'ont pas cru en moi. C'était de bonne guerre, j'vous comprends. Comme s'il y avait de mauvaise paix, ma gueule va te faire molester. Ou nique ta race en toute modestie. C'est pour mon père qui rêve de clé à molette. Oui, ça prend la tête de passer sa vie sur les chantiers, voir ses 60 balais avant d'apercevoir le bout du tunnel. C'est pour ces pucelles qui voient pas pire que la vente de C. Mais j'ai pas le temps de m'apitoyer, je te le jure sur mes prunelles. C'est pour ma mère que j'ai aidé, su trop de fois BBP. On se bat jusqu'à décéder, l'œil sur la barre des PV. Hey, c'est pour Screech, Stick et Will Sketch. Et oui, j'écris ce texte et puis je t'apprends la vie. Je tape rarement la bise dans mon district ou dans mes disserts. Je distribue que des gifles au micro. Je compatis pour la concurrence qui n'aura jamais mon équipe. C'est pour tes kilogrammes arrivant d'Espagne. Mais y'a pas que ça, gros, qui nous offre une raison d'être barge. C'est pour les toxicomanes en vélib du dernier wagon salon. La grandi trop loin des saloons, des bas-fonds. On a regardé ces blarfs nous faire envier leur femme. Mais je m'allonge jamais trop longtemps. Ma gueule, je suis prolétaire, je suis là pour braquer la banque. Je connais les drames qu'elle engendre. C'est pour ma famille aux quatre coins de la France. On parle plus d'emplaté d'amour quand il est question d'argent. C'est pour la prophétie. C'est maintenant que je rentre dans la profession. Admire ma procession. J'ai les mêmes projets depuis qu'on se prenait la tête avec celui qu'on blasadait devant Ultima. C'est plus de s'imaginer qu'on bavardait. Or NQNT apparaît là, un mélange de phases étranges et de messages en travers de ton tarpé. Franchement, c'est pour la seule femme qui pense à moi le soir, même si je suis fatigant. Parce que je fais pas du rap à mi-temps, ouais j'arrive en force et j'ai de la rime en stock. Même si t'es quasiment mort, retourne bicrave dans ton bâtiment. toute la semaine dans Planète Rap entre 20 et 21 NQNT. Ça, c'est l'intro du. Enfin, l'intro, c'est l'ouverture de. La mise en bouche. La mise en bouche. Exactement. Le morceau à l'instant que l'on écoutait de Vald, NQNT dans les bacs entre 20h et 21h. Et Vald, t'es venu avec une autre surprise ce soir. Tout à fait. Non seulement les invités qui sont Giorgio, Sofiane et Jérôme. Pour débuter le live génial de tout à l'heure. Qui est ? Qui est en fait un extrait du prochain projet donc qui sortira. Je pense pas qu'on va le mettre en entier, mais on va rigoler dessus en tout cas. Donc déjà, voilà, un petit extrait. Au moins. Un petit extrait. On va pouvoir en profiter un petit peu. C'est ça. Donc c'est un morceau qui s'appelle ? Qui s'appelle Geoffrey. Après Sullivan, il y a Geoffrey. Tout à fait, oui. Voilà. Donc on pourra découvrir ce morceau, au moins une partie. Et une petite partie, ouais. Juste avant le live que tu nous promets, que nos invités nous promettent lourd ce soir. Voilà, ah, c'est sûr ça. Ouais, c'est le minimum. Loupez pas dans un instant. Attends, je rebondis vite fait parce que j'ai entendu une dédicace intéressante. Ouais, je dédicace moi aussi Mercu, je dédicace moi aussi Tunisiano, je dédicace moi aussi Sirius, Tefa, toute l'équipe, je dédicace les petits OR qui sont là dans la place aujourd'hui. Yes. Et Boumé et tous les frérots qui sont là aujourd'hui. Voilà. Bang, bang. Yes, dédicace au Golden Crew aussi, à Nervous, tout mon staff et tous les gens qui sont là. Merci. Merci à toi, Fred, encore de nous accueillir. Et bah, avec un grand plaisir. Et voilà. Bah, là, en même temps, le grand c'est Valdan. Là, c'est lui qui a ouvert les invités. Ouais, ouais, je sais. Qui a filé les invités. Merci à lui, gros big up à lui. Ça fait longtemps qu'on suit le truc et voilà, ça fait plaisir de le voir ici. Bougez pas, on revient juste après ça, la suite du Planète Rap de Vald. Vald a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Vald cette semaine. NQNT à découvrir avant de passer au live. Un gros live se prépare. Une exclue totale aussi. Tu es venu avec un morceau qui s'appelle Geoffrey. Exactement. Qui sera sur le NQNT 2 a priori. Hein, ce sera le nom du prochain projet. A priori. Ou NQNT prime, je sais pas. Bon, en tout cas, ce sera un NQNT pour 2015. Ouais. Et là, on exclut un morceau Geoffrey à découvrir dans un instant. Juste avant, profitons aussi de ce projet qui est digitalement et toujours dans les bacs. Exactement. Quel morceau mettons ? Mettons Shoot un ministre, j'aime bien Shoot un ministre. Eh bien, allons-y, balançons ce morceau. Fred, petite. Ouais. Vas-y. Petite question, pourquoi Shoot un ministre, ça passe sur Sky comme ça ? Normal, sans problème. Parce que c'est un morceau autour de la photographie. Et c'est toujours important de prendre en photo nos ministres. Écrasé dans l'encre. Génial. Tu penses pas ? Si, je suis totalement d'accord. Tu coupes ton smartphone, totalement d'accord. Que tu penses à tuer des gens, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, quitte à te faire des innocents. Histoire passer le temps, je comprends que t'es la rage quand les rappeurs font que se masser le gland. Grande pustule, sens-tu que je tue, sens-tu que je tue, sens-tu que je tue. T'as du mal à t'imaginer serein dans le futur. Bande sur des tranches plus turques, mais tu rentres plus thune, déserte le campus, tu crois pas vraiment qu'un diplôme va rattraper ta vie de môme, effacer le sang sur le mur. Toutes les patates que t'as pris et tous tes points de suture. Quand t'as compris que le monde est à toi, tant que tu suces. Mais c'est pas ton projet, t'as aucun projet. T'es résolu d'avoir des résolutions l'année prochaine. Tu te reconnais dans rien, t'es seul devant leur certitude. De fils de père, fils de pute, ça donne l'air têtu. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions démentes. Tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Shoot un ministre, si tu veux quelqu'un, frelon. Shoot un ministre, tu fais peut-être un truc bien, frelon. Shoot un ministre, trop de corrompus, frère. Ils foulent pas sur les bons, trop de pédophiles, frère. Ils foulent pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon. Shoot un ministre. Vas-y, fais la gueule, check ta mal, petit. Vas-y, fais la gueule, jamais à l'heure, mais c'est logique quand t'en as rien à branler. Tu vois ta vie comme un violeur dont les mains s'avancent. Et tu vois qu'une chose à faire, c'est fuir, espérant qu'elle s'essouffle. Mais t'encaisses les coups enchaînés, tu cries, baisse-les tous. C'est ton refrain préféré pendant ta prise de drogue, ivre mort. Mec, ce fils de mort piège des foules, mais je vais pas te faire la guerre, t'es pas le premier mec amer qui lâche l'affaire pour pas se mettre une balle dans la tête. Arrête, t'es rassasié, t'aimerais bien qu'on t'aide, mais t'as plus de réseau, faudrait que tu lèches des cavus. C'est trop. Dans les abysses, tu baisses les yeux pour pas voir tes parents. Tu vois que la peur dans leur regard sur leur fils défaillant. L'enfant de passant, très passant, qu'attendent le coup de grâce. Trou de balasse, on comble leur carence avec des shoes Nike. Et t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions. Les membres, tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon. Shoot un ministre, tu fais peut-être un truc bien relou. Trop de ministres, trop de corrompus, frère. Il fout le doigt sur les bons. Trop de pédophiles, frère. Il fout le doigt sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux tuer quelqu'un, relou, shoot un ministre. La télé te représente pas, eux n'ont plus de samba. T'es dans ce bal, comme un pourcentage qui danse la samba. Les sambas, pourquoi les faire? Y'a déjà tes semblables qui s'emballent devant l'Éden. Mais bon, qui rentre pas, les grandes tasses, c'est par ici. Même les parisiles, donne gaze en parésie. Tu fais du grave ici, moi tu perds la tête. Dès que ça paye, ça fait, y'a que ta sœur qu'en vaille la peine. Mais ça serait de l'inceste. Grande pustule, sans tu que tu, hein. T'as pas l'argent et t'es pas tant fut-fut. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des mentes. Tes buissons géants camoufle plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux que quelqu'un relou, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien relou, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère. Des foules pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère. Des foules pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux que quelqu'un relou, shoot un ministre. Oui. Pour tous les mecs, on peut plus les faire. Arrêtez de tuer des innocents, putain. Grande pustule, sans tu que tu, sans tu tu, t'as du sang sur le cul. Franche pute nue, t'es pas tant fut-fut, y'a du sang sur le mur. Enfoiré. V-A-L-D frelon. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Vald et ce morceau qui s'appelle Shoot un ministre. Gros clip, gros morceau, gros clip. C'est vrai qu'il y a de l'image. Retrouvez ça sur YouTube. Big up, hein, un des rap les plus hardcore en ce moment. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Ouais, c'est un des rap les plus hardcore en ce moment. Je suis d'accord. C'est Vald avec NQNT, le projet à découvrir cette semaine encore. Dans un instant, on va passer au live avec vous, messieurs. Si, si. Avec Giorgio, avec Sofiane, avec Jarod, ils sont là aussi. On va passer aussi un extrait de Geoffrey. Exactement. En exclu total. Un nouveau morceau sorti de nulle part. Mais juste avant, je vous présente quelqu'un de Noisy-le-Grand. Tiens, 9-3 encore. Et il s'appelle Charismatique l'effet papillon. Yes, yes. C'est ça, hein, c'est Charismatique l'effet papillon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi c'est tu ça me regardes? Bah, je sais pas, je regardais Sofiane comme ça. Attends, je regardais Vald. Ah, on t'écoute, poteau, on t'écoute, poteau. Ça va bien, charismatique. Ah, quoi. Ouais. Tranquille. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Et bah, tu es prêt à rapper, à faire un freestyle? Ouais, ouais, faire un freestyle au calme. Session freestyle par téléphone. Ok. Ah. Ok, ok. Hey. Parfait. Yo. Hein. Écrire pour éviter. Manier les lettres, le savoir est une arme, résister. On veut le succès, on donnera pas notre âme, déclare ta flamme. Tu verras qu'il y a plein de pyromanes, d'être qui n'est pas honnête dans son portable. Il n'y a pas qu'un seul man, tu méromanes. Les vrais puristes, écoutez, analyse, quoi faire mal. Attaque des enquêtes, sont paralysés, je réalise. Tu vois ça qui est propre, comme un bon défi, banalise. La victoire, pour qu'on se bat d'ici, je suis parisien. Côté S, on veut la tête, même gras, les rêves inquiètes de la matière. Je suis prêt à tout, pour quitter la tête, j'ai trop d'adresse. Comme l'indiac, moi j'ai trop de plus, j'ai plus d'insectes. Ouverte des écluses, on prend le bus. Et notre âme de vie est souvent perturbée. Nos clients, loup-garou la nuit, se sont transformés, bien transcendés. Là où je vis, là où je traîne, t'es chaud, l'enfume vient du ciel, gros sagaille. Donc ma plume très chaude, pas qu'est chaud. Et si le bordel n'est pas qu'économique sur le réchaud. Y'a plus d'un sac qui joue les biologiques, c'est très logique. Des métaphores, des figures de style, elle artiste. Reste toi-même, ne varie pas le profil, on est hostile. Je suis souriant pour apaiser tes types, est utile. On est la type de ces stéréotypes, je vois qu'ils type. C'est l'hôpital qui fout de la charité. Nous sommes les tigres, eux les moucherons, sans vulgarité. Ok, à l'instant, l'effet papillon, charismatique, yes, l'effet papillon. Charismatique, c'est le papillon, ouais, ouais. On peut te retrouver sur le net quelque part? Ouais, tu peux me trouver, j'ai sorti un album, ça s'appelle Simplicité. Mm-hmm. Tu peux le trouver sur iTunes. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Charismatique, vous tapez, vous allez trouver. Il y a des clips sur YouTube, d'où je viens, etc., qui ont bien tourné. Je vais passer des dédicaces. On t'écoute, vas-y. À Tupac TV, www.tupactv.com. Voilà, ça se décompte chez moi. Et un big up à ma team, on est ensemble. Eh bah, terrible, merci à toi. De rien. Et passe une bonne soirée, bonne fête aussi, hein, en ce moment. Big up. 31, qu'est-ce qui se passe pour vous, les gars? Des choses de prévues? Comme tous 31, les jours, on fait la guerre. Décembre, là, ça approche. 31 décembre. Ouais. Ouais, non, moi je suis à l'étranger, les potos. Ah. Voilà, je suis pas là. Je vous laisse entre vous à Paname. Giorgio. Moi, je cherche encore la soirée. Ah soirée bah, qui voilà. Tue. Mais s'il y a une soirée qui tue, n'hésitez pas à contacter Giorgio. Vald. Ouais, je rentre au bled. Tu restes à la maison, quoi, en fait. Si, si. Jarod. Ah, moi je suis là, je suis chez moi. 31, ouais, je suis posé. Moi, calme, ouais, j'ai déjà assez de problèmes. C'est vrai que le 31, parfois, il vaut mieux savoir rester à la maison. Aga. Tranquille, pour bien attaquer l'année 2015. Je te jure. Bon, Vald, ouais. Avant d'attaquer le live, viens, est-ce qu'on balance cet exclu? Cet exclu total. Viens, on rigole. Oui, oui, oui. Donc alors explique, le morceau s'appelle... Le morceau s'appelle Geoffrey sur une prod originale de Dolor. Et on le balance pas en intégralité. Hein, non, non, non, on peut pas, parce qu'au bout d'un moment... C'est trop long. Voilà, faut être carré, quoi, faut payer. Merde, y a de la musique. Voici donc Geoffrey exclu, Vald. Sur tous les corps. Baron, nous, ça sent mauvais. Regarde pas à travers, qu'est-ce qui se passe. Je fais des doigts derrière le plexiglas. Je rappelle jamais, ça me déshydrate. Me demande pas de fit, fume des chichas. Puis prends la photo avec la fumée. Bah les couilles d'être affublé comme l'année dernière, adulé. Avec Geoffrey le cavunet. Geoffrey le cavunet. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des doigts derrière le plexiglas. Je rappelle jamais, ça me déshydrate. Me demande pas de fuite, fume des chichas. Puis prends la photo avec la fumée. Bah les couilles d'être affublé comme l'année dernière, adulé. Avec Geoffrey le cavunet. Fais le fou, je peux t'acculer. Plus calé qu'avec la lunette. C'est mécanique, j'ai fait qu'allumer. Troque la paix, pas les calumets. J'ai la fourche et l'allumette. J'ai la frousse et la lumière. Tu fais le bouc, zère, t'as dû faire. Mets ta bouc et t'as dû faire. Tu verras pas les bacs, c'est chalté. T'es ma ta saleté. T'en gérer une face B sur iPhone 3G. 3G, oh, les scratch des poèmes comme une salle des bohémiens. J'parfais mon dessin, tu caresses nos raisins. Sois contre moi, je ferai genre ta raison. Pour tu penses que t'es chaud, plus qu'on devienne poteau. Que je t'invite au domaine, que je mette de la résine dans ton foutu Big Mac. Le redis à tous nos ennemis, que le monde soit joli, que l'on soit tous des frères. Ouais, que le monde soit joli, tant que c'est moi qui domine. Le Geoffrey, le caddie le plus net de ce rap jeu. Mais autour de la table, y'a des cavunettes aussi, les frères, on est ensemble. Y'est lourd. Et tu as des deux bientôt dans vos cheveux. Énervé. Pas à travers, qu'est-ce qui se passe. Je fais des doigts derrière le plexiglas. Je rappelle jamais, ça me déshydrate. Me demande pas de fuite, fume des chichas. Puis prends la photo avec la fumée. Bah les couilles d'être affublé comme l'année dernière, adulé. Avec Geoffrey, le cavunette. Coupe ça, Fred. Coupe. Il est grave le bail. Oh, c'est quelque chose. Hein. Il est grave le bail. C'est un bon aperçu déjà. Ouais. Donc le morceau s'appelle Geoffrey. C'est ça, et c'est suffisant pour rigoler. Et tu le passes quand alors en intégralité on parle. Parce que là on est sur un gros clip là. Avec quelques costumes en fait, des cottes de mailles, des casques et tout, tu vois. C'est de l'orga. Donc il faudra. Et il nous faut des nains donc. Il faudra. Et casting de nains, c'est si simple qu'on croit. Si vous êtes intéressé, allez-y, envoyez les photos. Une fois, j'ai voulu ramener une obèse dans mon clip, tu vois. Et les castings d'obèses, c'est relou, c'est pareil. Donc là, casting pour les personnes de petite taille. Exactement. Si vous avez, tous les gens atrophiés, venez. Bon, ils sont pas tous atrophiés. Ouais, non, évidemment, mais si... On va avoir des ennuis avec toi, Vald. Hein. Ah, non, heureusement que c'est la dernière ce soir. Hein. Non, c'est que de l'amour. J'ai hésité à venir. Ouais, putain. On remettra tout sur Jarod. Non, pas encore moi. Arrête. Allez, c'est parti pour le live maintenant. Vas-y, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Merde. Je pense. Je crois que c'est Sofiane qui est prêt à ouvrir le bal de ce freestyle. Un freestyle à combien déjà d'euros? Un freestyle à moins 10 000 euros. Un freestyle où je remballe. Non, ça c'est l'échauffement. Mais déjà l'échauffement, il va être salé. Moi, je fais un saut. Yeah. Moi, je fais un saut. Yeah. MQNT, mon frère. VLD. Yeah. Moi je suis un tout man, moi je t'arrange les champs. Toujours dans la salle des au terre des champs. Studio sur les champs, toujours dans le 9-3. Deux trois hap qui ont moi, mais ha sur le rein méchant. A la santé du rap game, faut qu'on s'organise. Je t'ai pas vu sur la liste, dans quel biche t'étais. Quel bouffant t'en lise, t'es toujours en crise. Mais je te déteste aussi, fais-moi la bise PD. Je te fais pas de promesses, me fais pas de serment. Je peux tenir la gueule, gros, raconte à quoi ça sert. J'ai que des faux frères, parlons ça clairement. Qui serait même foutu des tortards à mon enterrement. Putain, grosse plaquette. Quantité d'embrouillés qui s'amoncèlent. Je suis mexicain, j'arrive en con. concert, fusil à pompe dans un étui de violon, c'est. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, je te connais même pas. Avant d'être ennemi, faut déjà qu'on soit poteau. Je suis une marque de la rue, frère, et je kiffe ça. Overdose, bang bang, les autres sont morts en moto. Hein, on se fait vieux, 28 piges. Je suis pas chez les types, je suis pas chez les anciens. Je suis chez Wam Hassoul, comme ça, pas de litige. C'était pas dans mon programme de finir en chien. Crapulerie, Max, Saint-Denis, Fianesso 9-3, c'est le barrio. Tu parles, tu chiales, tu m'as trahi. Tout était déjà dans le scénario. Gros souvenir, lui, restage du film. On se fait pincer, toi t'es rincé. Je suis en indé, dans la musique et dans la C. Je suis en un C, rajoute la mort sur ton devis. Meurtrière, tourelle, pont-levis. Frère, on est rap, pourquoi tu jacques la chatte à la mer à Blue Ivy. Faut que tes histoires, je m'en fous de ta vie. Litron de platine, peux-je tuster, puis hélicoptère. Bâtard, Qatar, notaire, pafter, Gucci, baby. Je les paye fâchés, j'encaisse content. Tous les pourcentages et montants. Blancock, c'est pas Breaking Bad, Heisenberg. On l'aurait barbé depuis longtemps. Tu investir, gagner de l'argent. Frère, on te l'annonce et on te la met. Évidemment que ça finit mal. Sinon ça finirait jamais. I'm in love with the soul, so, so, so, so. I'm in love with the soul, so, so, so, so. Yeah, oh, R, mes petits frérots. Yeah, yeah. I'm in love with the okay. Soul, so, so, so, so. Yeah. Prends tout ce que j'ai, mes putes, mon talent. Mes amis, mon rap, mes biens, je serai plus léger en y allant. Je rendais compte à l'unique. Si je tire, j'aurais pêché. Puis que je suis type on teste, fais des têtes à tête. Maintenant j'ai l'âge de tricher. Je suis un gosse, j'ai pas grandi papier. Je fais du mal que pour prendre du papier. J'allume le monde qui m'entoure et je démonte celui qui veut me faire étudier. T'appelles de l'aide dans tout Paris, ils entendent Jared, les mecs se retirent. Je n'ai rien à donner, tu veux chose qu'elle, tu y payes gaffe. J'ai passé ma life à zoner, je suis là dans le rap, j'ai rentré le brava. Un 9, gueuzor, un 5, 6. Tu fais le malin, ton rap c'est mon fils. J'ai pas le niveau de ces mecs, c'est novice. Personne balancé sur la notice. 7-5, mais les watts, petite frappe, je t'explique. Dans le top, on est hall. Bang, bang, bang, bang. Sur scène, y'a du monde, vous snare. Dis là, on a rigolé dans l'illégal. Pour les allumer, nos bacs au minimum, on va les wet pour pas rush. J'fais la diff dans un rush. J'ai pris ton label, on le vrai dans la brèche. Je me lève pour ma foi. Ils font du RAP pour faire les stars. J'nique le game pendant qu'ils parlent. Ils mettent leurs chevaux au niveau de ma barre. Tous les mythomanes ont voulu faire un autre mec. Mais le mec, c'est Wam, j'les jette sur le tech. J'ai du mal à faire, moi j'ai déconné, j'ai peu de frères. Ma chérie, tu veux l'amour, vas-y, monte à l'arrière. Gizmo Gore, Baba et Soriba. C'est la minute Corrida. J'fais du son Rital, animé de Vendetta. Je ne vomis pas, 7-5 comme d'hab. J'rappe, je ne copie pas. Fuck pas de copinage, fais de l'audimat. J'frappe à la Tony Jam, mon ami, c'est le flow qui parle. On arrive relou. On arrive relou. On est connu dans le 9, on sait F solo, pas d'équipe chelou. Pas d'équipe chelou. Boycott dans le vent, tu les perds tout le temps, mais tu F welou. Mais tu F welou. Val, envoie-nous ça. Giorgio. Giorgio. Yeah. Tu sais comment ça putain de fait. VALD mon pote. Toi mot. Va chercher ça. VALD NTNT dans les boîtes. XV3 motherfucker. Max Do PLC la chapelle. 1-1-1-8. Sony Style. Ouais, le paradis existe, mais avant que la mort t'emporte. Sors-toi de la tempête du vice, du moins de la vente de drogue. Oh fuck, oh, les boîtes emprisonnées, ouais, ouais. Moi, je suis tout dans le rap, un pic en guise de pistolet. Et faut faire les choses, malgré mes gros défauts, j'ai aucune peur de marcher dans les checks. T'as vu la lune, Arsoul, je viens la décrocher. J'ai rappé dans des caves, comme j'ai rappé dans des fêtes. Je reste bien sapé en l'air, gars, t'as les habitants des states. J'aimerais bien, mais ça serait de mentir. Je traîne ma poisse et mon vieux Lacoste. J'avoue, je garde la classe et je mets les vieux d'accord. C'est textuellement pire. Je vais valser les mesures. Impossible d'arrêter le truc. Qui sont la chatte et les thunes. T'es pire qu'un mytho de Châtelet. Ma sassin le crack et les putes. A Max Do, on a quoi armer tes gus. Évitons de parler. Tu prends le mic, tu casses des gueules. Tu rentres en boîte, t'éclates des gueules. Prions pour que t'aies pas les gueules. Sinon, c'est garde. Avec zonzon, dis au revoir. A tes gaves, à tes fausses blondes. Même si on s'en tape des tatas, des ghettos de l'ombre. Sors le pare-balles. La France est un pays raciste. Mon oncle Sam n'est pas un fidèle ami. Ah oui, j'arrive, panique pas. En scooter dans un appart du 16 avec 3-10 grammes. Mais on m'a dit quoi? Giorgio, c'est cool, atterri. Mais bien ce qui t'aidait avant que tu rimes comme Rakim ou que tu pèses comme le boule de la Zouza Jay-Z. Parce que le rap c'est casse-gueule, t'as les groupes de la Tessie. Je pense à Versus et So. Ils sont capables de te froisser si tu craches sur la vertu des nôtres. Et si tu passes sur ma technique, t'exploses. Comme ça c'est dit, rap de bâtiment, haussmanien et pauvre. C'est cru, c'est malsain, c'est beau, ça sent les ascédiques. Les plats d'Afrique de l'Est, barbare ma clique, te laisse sur le sol avec des tapes. Après un traquenard sur ma vie que je te baisse. Tu connais le jazz, de la rue de la Chapelle au Square Léon. Toi tu parles, t'as les ondes, ils sont mes cheveux qui poussent. Mais quand je rappe, je goûte un paquet de comptes. T'assumeras pas ma voix, vu tu me feras croire que dans le rap, t'as des sosies. Yeah, yeah, yeah. Change the house. VALD. NQNT dans cette foutue bac. Allez, pécho le truc. Gros. C'est ça qu'on aime. Écoute ça. NQNT, c'est la crème. Check ce velouté. Frère, on se branle dans la cabine comme des vieux routiers. Hein? Arrête d'ouvrir ton cul, personne veut louer. Vous êtes personne, je crois que Dieu vous est. On fait des hommes dans des éprouvettes. On a des fioles, pas des vraies bouteilles. La mort est hors d'atteinte toute proche. La vie s'est formatée, s'est mouflée. Y'a des portes à qu'un découpe-gorge. Poupée pour un viol, Paname et bouquet. Prends ton ticket pour un vol ou ton revolver. Mec, on parle et on cogne pour se faire écouter. Moi, mon problème, c'est que j'ai rien à dire. Je comprends ces fils de lâche qui vident le chargeur pour le paradis. Jamais j'ai posé des tonnes de questions. Je lésionne, c'est le job, je fais foire, je m'étonne. La personne me raisonne, j'exporte de raisonne. Si je fais de l'or, je vais dormir. Oui, t'es pas ça, tu dis que c'est pas ça le but. T'es malade, tu niques, t'es abattu devant celui qui vanne Sully. Genre t'es hal sur le beat, mais tu cannes subitement comme celui qui vanne Sully. Car si tu vannes Sully, celui qui vanne surgit, c'est ainsi de suite, quoi. J'suis un connard sans vie, t'es un suicide-toi. J'lis des grimoires comme un molard dans le pif, j'crée des histoires. J'vise et j'm'y vois, dîner j'm'y sale, tirer de jean noir. J'dirais kiss noir, faire la paix comme la paix, c'est la vraie Bérésina. Délabré, j'ai de la peine, ça va pas, cher Abbé, c'est la fête, mais la dèche, fais la fête à ma place. Faire à peine à t'asseoir, j'admets que j'ma fan, mais j'la ramène pas, j'attaque ma fan baisse, c'est la foire. Y'a de la schneck, des rasoirs, des adeptes, yo, j'fais d'air, c'est ma joie. Ta femme baisse, mais pas toi, elle préfère les rappeurs en Bentley Jaguar. Elle préfère rappeur en Bentley Jaguar. Crie pas Mate et Aval, NQNT, nique des mères et y'a quoi. VLD, okay. NQNT, mon frère, c'est dispo. Ok, je m'en occupe. Yeah. C'est quoi les bails? Je m'y colle, je m'y colle. Tu connais les bails, my girl? Tu connais les bails, my girl? T'es grave, grave. J'ai rigolé, j'en vois. 7-5. 1. J'suis comme la rue, j'te tiens, j'te lâche, hop. J'suis comme la rue, j'te tiens, j'te lâche, hop. J'suis comme la rue, j'te tiens, j'te lâche, hop. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. J'suis comme la rue, j'te tiens, j'te lâche, hop. J'arrose, fais bosser les stars. Gaba, j'espère que tu lèches, hop. T'as qu'à bomber le torse, la femme te blessera. Ah ouais, tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de faille, ma gueule. Mais il est, joue pas au con quand j'arrive, ça sent le meurtre. J'suis tombé dans le canal, jeune. Guette la beba et touche les pets. Mec, c'est Wam, vas-y, mets-toi sur le texte. Sors la conce, les clopes, les pacas. Fais pas le mec de chop, on est rafale de steak. Ah ouais, y'a que la weed qui nous calme. À chaque track, on les calme. On préfère vendre de la cam. Bocaté, qu'on les grimpe. Galop, salope, j'arrose. Nique la rame du colonel. Rentre chez Watt, toi et Wam, c'est pas la même. J'viens de Paname, j'vois la merde. Y'a pas la mer, monte les watts, c'est Jarod, y'a du level. Tous ces mythomanes ont voulu faire un autre maga. Ramène tout le check sur scène, c'est le boucan. C'est pas des rappeurs, non, ils prennent dans le vide. FF75, le slogan. J'suis avec vous, snare, on voit leur tête. On se tape des barres, on se crête. Ça sent le feu, biroule un pet. Y'a des corters, pas, y'a l'équipe qui est prête. 19ème, tu connais Rasta. T'étais vrai, t'avais qu'à le rester. J'sais qu'ils vont y rester. Ça arrête, ils ramènent l'armée. Ça casse des bouches dans le game. Narchetal, Narchetal, Narchetal. VLD, l'album dans les bacs, c'est ici. Allez, le pété, c'est pour toi là. Celle-là, c'est pour toi. Yeah, on voit. C'est moi qui m'y colle. C'est moi qui m'y colle. Je suis. Ok. Ok. Ok. Ok, ça fait. Ah, au nom de mes frères et du fils, brrr, au nom du père et du fils, brrr, fini les fêtes de l'IS, y'a le NCI et sur moi et mes complices, brrr, tout seul de poudre son glisse, brrr, c'est dans ta tête qu'on glisse, brrr, plus comme un patin du loto, frère, c'est pas ta faute si tes potes sont fils, brrr, ish, ish, fianso, voice, nigga, pénurie d'ennemis black, Rolls, Royce, nigga, nigga, nigga, je veux que ces connards panique, valide mes affaires, hashtag, tweet, tendance, vanille, vanille, qu'est ta merde, bang bang, kick bang, kick bang, kick bang, bang bang, kick bang, bang bang, bang bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dans le jean, mon check se compète. J'ai de la caisse, on est bloqué dans le sas. Posé au cam, colle aux briques de ciment. Au bloc de pierre, on parle de femmes de finance. On rêve la bouche ouverte et on crève les yeux fermés. Oui, je sais qu'on a tout pour perdre, mais si je viens jouer, bah c'est pour gagner. Car je suis l'as dans la manche, pas temps d'attendre. C'est pour la chapelle, mais les gros temps que j'avance. Que je fasse mes yébis, que je sois taxé. À l'inverse, d'un revendeur de blanche. Cocaïna, cocaïna, m'a dit Bolivia dans les lignes, l'assista. Elle veut que j'y touche, que je sois dans l'ambiance. Nique le sas système, on m'attend en virage. J'ai le quartier en moi, comme dirait Carlito. Nique le marché de l'emploi qui me force à mytho. Arrêtez dans le quoi, car j'ai pas un diplôme, contrôlé par les tchats, j'ai des années devant moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire, c'est les lois de la street. Pas du rap game, puis je suis anarchiste. J'ai les cheveux qui poussent comme les armes de ta meuf. Avec ton putain de regard de matérialiste. Comme le secteur, pour marquer mon époque. Surtout pas louper le coche. Y'a faille dans les poches, laisse-moi faire mon rap, c'est de la bête de frappe. C'est les marques de mes dents sur la plaquette. Un soul, je vends mon art pour ta table, N. Samsung avec le frère VALD. Mon art, c'est des couplets graves lourds. J'ai une tête, mais qui met quand même bien. Des bigles, mes pierres m'ont pris pour un martien. Méfiant, je retire le string. Que des matures pour le test le matin, y'a la marre de la fin. Hein, la fin du joint, du parfum, du ravin. Joindre les mains, flotter comme Séraphin. Mais frotter des putes, c'est pas bien. Tomber des putes, c'est malsain pour tes filles. Études, j'ai la feinte. Hein, quand j'ai un but, je l'atteins. Que ce soit comme ci, comme ça, quand on parle d'homicide, on manque à pour jouer la comédie. Je veux la street trade, je veux plus rentrer discrètement dans ma visière. Fils des putes et des pieds d'herbe blanc, mais tu manges des petits gags. Les bonnes qui se font fond sur la photo, j'aime pas mais j'ai bon fond. Je joue les bouffons pour les foufounes, c'est pas mon fond comme sourcils froncés pour pas sortir des outils, roupiller trop, bousiller sous-tiseux comme un autre ouvrier. J'oublie mon bon billet, youpi roll. Mais si la souffrière c'est la guerre, c'est la même merde que la guerre. J'ai du Cerber en Iker, dis que c'est la même zère, quand pas dev. Chaque taf c'est la der, pédé. C'est la der, mais mes mères fait la gueule parce qu'on a pas des bons sénateurs. Moi j'ai un mot, je fais un crime, faut faire attention. C'est anti-pain, fais tourner la potion. Péter, je ressors des bars, c'est une émarque, payer la caution. Je vais renoncer la guerre de l'âme. Trafic gros, ça fait de l'âme. Je redémarre tranquille, gros, tu pousses ton chill ou tu niques ta mère de l'âme. Bang bang, bang, vaillant, j'y t'étais. Blessé, même 3 jours, j'y t'étais. J'ai fini, demande à Guy, ça t'a pas des couilles, j'y t'étais. T'avais oublié, comment je suis chaud, gros, t'avais oublié. Je crois que je vais t'oublier. Pour ton désir, j'ai sans mesure de goupiller. Va te faire baiser, au marais, tu vas me gaucher. Oh bah ouais, je vais te niquer ton père, tu vas chanter. Papa, où t'es avec Stromae? Tu ok, ça repart. Bang, bang, bang, bang. C'est pas rien ça. Bang, bang. On adore ça. C'est super. Ok, j'ai son scale, j'ai quelque chose, les mecs. Vas-y, Vel, dès que tu vales. Yes. Ça fait ça. Tu connais rien, et toi t'as cru qu'on y croyait. Gros, nettoie ta flûte, ça fait des bulles quand tu brailles. Et pourquoi tu parles de rap star? C'est du rail que tu fais, gros. Pourquoi parler de rail quand il n'y a que du lait, moi? Quand tu vois que je baille, quand tu vois que je taille, dis-toi que c'est le val vrai. En déchet, en paille, endetté sans salaire, je suis pas descendant de martyr. Enfin, si y'a forcément un mec dans ma ligne et qui s'est fait niquer sa mère, c'est flatrice, mais j'en fais pas mon salaire, j'en fais pas mon amère. Tu me jettes de nouveau calvaire. En plus, tu connais rien, sinon donne que les pas ta mère. Tu connais rien, sinon tu saurais. Que je t'emmerde, s'il existe, j'exige qu'il bénisse ma clique de blanc bec, ma clique pas blanc bec, tous blancs de soupçons comme la Bible et les cent vierges. Tu t'agites des grands gestes, hein. Chaque tu paniques dans l'essentiel de ton temps pour les donzelles. T'es là à dire si t'es seul, tu perds ta vie, tu désoles. Mais le seum, c'est que même accompagné, tu t'ennuies. T'as donc parlé pour rien, c'est gentil. Ça habille le vide, mais en vrai, t'as aucune envie. T'envies les billes du voisin. Ok, check, une dernière, je vous en balance. Genre, mais je après. Ok, check, 75. VALD, allez, pécho l'album, bon enfoiré. Ok, check. J'arrête dans les bacs, j'arrête dans les bacs. Tu es dans ton cas, vu, tu m'as senti, j'ai des inimitiés partout. J'ai coffré mes cartouches, tout le monde m'a dit, j'ai monté trop chaud, tu les frappes tous. Je suis pas dans vos parcours, encore moins dans vos sales coups. 7-5-0-19, on est nombreux comme les Gendo. Bah les couilles, tu viens d'où? J'ai des gavas de Panama, New York, 1-2-1-2-1-2. Je fais des tales qui sont parallèles, ça m'embête un peu, j'avoue. Ça va, et bye, vous, équipe de fou, les calabou. Je suis dans un bail, prêt à te fumer pour la maille. Prêt à te faire un nouvel orifice pour que tu sortes la vibe. Le canon d'un calibre, allonge pas ta huck. Même si t'as fait 10 ans de tôle, on s'en bat les yeux. Fuck les balances, faut qu'ils galopent. Big up si tu touches les allocs. 5 sur un bonhomme, t'inquiète, salope. On t'aura quand tu seras seul. Je te raconterai l'itinéraire d'un jeune boss. Le genre de gens qu'on arrête hop avec un coup de crosse. Yeah. Fierce. VLD mon c'est frère, c'est une QNT pour toi. On adore live. Ça. Grosse session live à l'instant. On adore ça. C'était l'échauffement. Avec Monsieur Giorgio, avec Sofiane, avec Jarod qui est à la Evald évidemment, son Planète Rap. Merci à vous en tout Big cas. Up. Merci pour cette grosse soirée dans Planète Rap. C'est bien normal. Tu vois comment il y a un peu de sport, comment on passe un bon moment. Voilà, toujours, toujours. Moment. NQNT partout, bang bang. Entre sportifs. Merci pour la semaine, Vald, en tout cas, merci pour cette belle semaine dans Planète normal. Rap. Merci à vous de nous avoir accueillis, c'est très gentil de votre part. Et on va faire le tour de table, Jarod, tu voulais dire. Ouais, vous m'excuserez, j'ai un petit concert le 7 mars à la Bellevilloise. Bon, Vald ne pourra pas être présent parce qu'il a un concert lui aussi à Bobigny, apparemment. Mais voilà, je fais mon premier gros concert pour défendre cet album, ce sera le 7 mars à la Bellevilloise. Donc venez nombreux, les places sont en vente sur Digitik et Fnac. Et connectez-vous sur les réseaux, Jarod le Caméléon sur Facebook et @Jarod-Caméléon sur Twitter. Merci. Le 15 avril à la Marocainerie. Le 15 avril aussi. Giorgio. Moi, sur mon Facebook, GiorgioXV3, il y a les dates de mes prochains concerts. Sinon, à l'abri, toujours dans les bacs. Et le premier album va arriver, Bleu Noir, 2015. Ouais. Pareil pour Sofiane, premier album 2015 aussi. Ouais, premier extrait très bientôt. Et puis on bosse ça au calme, tranquille. Là, aujourd'hui, on était là pour le frérot. Voilà. Je pense que vous avez perdu des sous aujourd'hui. Bon, on s'est calme, y'a rien. Entre nous, pépère. On va manger un petit truc. Ouais, c'est ça. Merci à vous en tout cas pour cette belle soirée. Et on fait tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Et la roulette, Florian de Cannes, ça va bien Florian? Ouais, salut, ça va tout le monde? Bienvenue bien, dans ce gros Planète Rap, Florian, écoute, parfait. Pour bien conclure la semaine avec toi, Noël continue sur Skyrock. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti Florian. Ah ouais, t'es motivé, tu veux gagner Florian là. Ah ouais, on a les pros ici dans le sud. Florian, ouais. Et ben voilà, l'intégrale Watibé, elle est pour toi, avec la casquette Watibé. Et ce n'est pas tout, Florian. Je prends ta petite fiche. Ouais. Je la mets dans l'urne, je la mets dans le chapeau Skyrock, tirage au sort. Ah ouais, avec le retour pas, hein. De D-Fool. Non, c'est D-Fool, il n'oubliera pas. Ce sera entre 6h et 9h pour son grand retour le 5 janvier avec toute l'équipe. Une C1 peut-être pour toi d'une valeur de 10 000 euros. Une bagnole. D-Fool, il est la main magique. Eh ben écoute, on croise les doigts en tout cas Florian. Et bonne chance à tous ceux qui passent à la roulette. Il y a une Citroën C1 avec 10 000 euros au bout du compte le 5 janvier pour le retour de D-Fool. Super, merci Sky de la bombe, vous gérez. Ciao. Passe salut, un bon week-end Florian. Ciao, merci, ciao. Salut. Bon week-end tout le monde. La semaine prochaine, loupez pas, vous avez encore tout le week-end pour voter les votes Planète Rap. Pour élire vos artistes préférés, allez faire un tour, c'est sur Skyrock FM, skyrock.fm. Dépêchez-vous de voter ce week-end. On arrête les votes lundi à midi, donc n'hésitez pas à voter tout le week-end, à partager skyrock.fm et les votes Planète Rap, c'est dès 20h la semaine prochaine. Révélation entre 20h et 21h. Bon week-end, merci à vous tous, merci à Vald une fois de plus. La nocturne tout à l'heure, et là c'est parti, c'est la radio libre de D-Fool. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.